dans la rue. Et j'ai failli tomber. Heureusement qu'il y avait un poteau qui traînait. La vidéo sans mes amis avec leurs chaussons et leurs combinaisons. Je les aime vraiment beaucoup. Je les aime parce qu'ils sont mes potes. Je ne remercierai jamais assez la DDE pour m'avoir sauvé la vie en mettant un poteau là où il fallait pas. En plus, c'était un vieux stop qui servait à rien. De toute façon, tout le monde est grillé. Je